Romains chapitre 3. Quel est donc l'avantage du juif, ou quel est le profit de la circoncision? Il est grand en toute manière, surtout en ce que les oracles de Dieu leur ont été confiés. Car qu'est-ce, si quelques-uns n'ont point cru, leur incrédulité anéantira-t-elle la fidélité de Dieu? Non sans doute, mais que Dieu soit véritable, et tout homme menteur, selon ce qui est écrit, afin que tu sois trouvé juste en tes paroles, et que tu aies gain de cause quand tu es jugé. Or, si notre injustice recommande la justice de Dieu, que dirons-nous? Dieu est-il injuste quand il punit? Je parle en homme. Non, sans doute, autrement, comment Dieu jugera-t-il le monde? Et si la vérité de Dieu est par mon mensonge plus abondante pour sa gloire, pourquoi suis-je encore condamné comme pécheur? Mais plutôt, selon que nous sommes blâmés, et que quelques-uns disent que nous disons, pourquoi ne faisons-nous du mal, afin qu'il en arrive du bien, desquels la condamnation est juste? Quoi donc, sommes-nous plus excellents? Nullement. Car nous avons ci-devant convaincu que tous, tant juifs que grecs, sont assujettis au péché. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, non pas même un seul. Il n'y a personne qui ait de l'intelligence, il n'y a personne qui recherche Dieu. Ils se sont tous égarés, ils se sont tous ensemble rendus inutiles, il n'y en a aucun qui fasse le bien, non pas même un seul. C'est un sépulcre ouvert que leur gosier, ils ont frauduleusement usé de leur langue, il y a du venin d'aspic sous leurs lèvres. Leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume. Leurs pieds sont légers pour répandre le sang. La destruction et la misère sont dans leur voie. Et ils n'ont point connu la voie de la paix. La crainte de Dieu n'est point devant leurs yeux. Or nous savons que tout ce que la loi dit, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée, et que tout le monde soit coupable devant Dieu. C'est pourquoi nulle chair ne sera justifiée devant lui par les œuvres de la loi, car par la loi est donnée la connaissance du péché. Mais maintenant la justice de Dieu est manifestée sans la loi, lui étant rendue témoignage par la loi, et par les prophètes. La justice, dis-je, de Dieu, par la foi en Jésus-Christ, s'étend à tous et sur tous ceux qui croient, car il n'y a nulle différence, vu que tout ont péché, et qu'ils sont entièrement privés de la gloire de Dieu, étant justifiés gratuitement par sa grâce, par la rédemption qui est en Jésus-Christ, lequel Dieu a établi de tout temps pour être une victime de propitiation par la foi en son sang, afin de montrer sa justice, par la rémission des péchés précédents, selon la patience de Dieu. Pour montrer, dis-je, sa justice dans le temps présent, afin qu'il soit trouvé juste, et justifiant celui qui est de la foi de Jésus. Où est donc le sujet de se glorifier? Il est exclu. Par quelle loi? Est-ce par la loi des œuvres? Non, mais par la loi de la foi. Nous concluons donc que l'homme est justifié par la foi, sans les œuvres de la loi. Dieu est-il seulement le Dieu des Juifs? Ne laisse-t-il pas aussi des gentils? Certes il laisse aussi des gentils. Car il y a un seul Dieu qui justifiera par la foi la circoncision, et le prépuce aussi par la foi. Anéantissons-nous donc la loi par la foi? Non, sans doute, mais au contraire, nous affermissons la loi.